ويصن عيادة المريض وتذكيره بالتوبة والوصية. Donc il est, c'est une sunna de visiter le malade, de lui rappeler qu'il faut qu'il se repente, et il faut aussi le conseiller. فَإِذَا يَحْتَدَرَ يُسَّنُّ تَلْقِينُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Et si lui vient la mort, s'il se rapproche de la mort, Allah a'lam, mais si on ne sait pas quand la personne meurt, mais il y a des signes qui sont des fois précurseurs, qu'on voit que la personne peut-être vers la fin de sa vie. Donc c'est une sunna de lui faire répéter La ilaha illallah, cette shahada qui, lorsqu'elle est prononcée sincèrement, elle pèse dans la balance et elle est plus lourde que tous les péchés que pourrait faire la personne. وَتَوْجِهِهِ لِلْقِبْلَ. Ça, ça reste une sunna, donc de le placer face à la qibla. فَإِذَا مَاتَ سُنَّ تَعْمِيدُهُ. Lorsqu'il meurt, c'est aussi une sunna de lui fermer les yeux. تَعْمِيدُهُ. وَالْإِسْرَعَ بِتَجْهِيزِهِ وَدَفْنِهِ. Et s'empresser de préparer donc son linceul et de l'enterrer. الْمَسْأَلَ الْأُولَى حُكْمُ غُسْلِ الْمَيْتِ وَكَيْفِيَتُهُ. Le statut du lavage du mort et le comment. Donc comment laver un mort. حُكْمُهُ غُسْلُ الْمَيْتِ وَاجِبُونَ. Laver un mort, c'est une obligation. لِأَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِهِ كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. Comme l'a ordonné le prophète صلى الله عليه وسلم pour celui qui est en état de sacralisation lorsqu'il partait au Hajj et qui est tombé de sa monture et que sa monture donc l'a tué entre guillemets, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit lavez-le avec de l'eau et du jujubier, le sidr. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi ibnatihi Zainab radhiyallahu anha ighsilniha thalathan aw khamsan aw sab'an. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lava sa fille Zainab radhiyallahu anha, il dit lave-la trois fois ou cinq fois ou sept fois. Pourquoi trois fois ou cinq fois ou sept fois? C'est-à-dire jusqu'au moment où on verra que la personne est propre. Donc 3 ou 5 ou 7. Et s'il faut, on rajoute, afin que la personne soit réellement propre. وَهُوَ فَرْدُ كِفَايَةٍ إِجْمَاعًا. Et c'est, donc, فَرْكِفَائِ, donc là il y a un consensus dessus. فَرْكِفَائِ, c'est-à-dire que si une partie de la communauté fait cette œuvre, le reste de la communauté ne sera pas jugé dessus, ne sera pas compté. C'est-à-dire que si personne de la communauté le fait, tout le monde prend le péché. Mais si un ou un groupe de cette communauté le fait, ceux qui ne l'auront pas fait ne seront pas jugés vis-à-vis de cela. Kayfiyatu al-ghusli. Comment on lave? Yanbaghi an yahtara li taghsil al-mawta man huwa thiqa 'adlun 'arifun bi ahkam al-ghusli. Il est demandé ou il est recommandé. La lumière, elle est peut-être là-bas, je crois, le petit ici. Donc il est demandé de choisir, lorsqu'on va laver un mort, celui qui est donc juste, donc celui qui est une personne sûre, juste, et qui est connaisseur. Donc la personne sera connaisseuse des règles du roussoul, des règles du grand lavage. Et on va faire prévaloir, et on va faire devancer dans le roussoul, ceux qui reçoivent cet héritage, ceux qui reçoivent l'héritage du mort, c'est-à-dire les proches. Thumma al-aqrab fal-aqrab, ou ceux qui sont, c'est-à-dire du plus proche au moins proche. Kal-ab wal-jad wal-ibn. Donc on va faire passer par, on va faire commencer le père, mathalan, ou le grand-père, ou le fils. Si mathalan il y a lieu, si le père est vivant, ou si le grand-père est vivant, car le grand-père a le même statut que le père, parce que le père même si c'était l'arrière-grand-père, c'est-à-dire le fait que c'est cette lignée mais en montée. Et après, c'est-à-dire l'enfant, le fils, même la fille. Et ça peut être mais aussi l'âme, ça peut être aussi l'oncle, parce que le frère du père est considéré aussi comme le père. C'est considéré comme le père. إِذَا كَانُوا عَارِفِينَ بِأَحْكَمِ الْغُسْلِ. S'ils savent comment, bien sûr, on lave le mort. S'ils ont connaissance des règles du lavage du mort. وَإِلَّا قُدِّمَ غَيْرُهُمْ مِمَّنْ هُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ. Sinon, on va demander à une personne qui connaît, qui sait comment laver le mort, même si cette personne ne fait pas partie de la famille. وَالرَّجُلُ يَغْسِلُهُ رِجَالٌ. Donc un homme sera lavé par les hommes. وَالْمَرْأَةُ تَغْسِلُهَا النِّسَاءُ. La femme sera lavée par des femmes. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ تغسل الآخر فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها. Et chaque personne lavera, c'est-à-dire son époux ou son épouse, le couple. Chaque personne du couple lavera donc son époux ou son épouse. Ça c'est une sunna, donc le fait de laver son époux ou bien son épouse. Car bien sûr, lui connaissait comment elle était, c'est-à-dire sans habit, dans la vie d'ici-bas. Et de la même façon pour l'homme ou la femme, c'est-à-dire, et vice-versa. ولكل من الرجال والنساء تغسل الأطفال دون سن السابعة. Et tous les hommes et toutes les femmes peuvent laver les enfants tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de 7 ans. L'âge de pouvoir faire la différence entre les choses, différencier entre les choses. C'est le temyiz, c'est le fait de faire temyiz, le fait de pouvoir différencier entre ce qui est bon, ce qui est mauvais, entre les choses. ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسل الكافر. Il est interdit pour le musulman, que ce soit un homme ou une femme, de laver un mécréant. Wala ham janazatahu wala takfina. Et interdit aussi donc de porter sa janaza ainsi que de faire le linceul. Wala salat alayhi wala kana qariban kal ab wal um. Et ni le fait de prier sur lui, même si c'était un proche comme le père ou la mère. On n'entre pas bien sûr dans ce qu'il a fait, est-ce que tarik salat c'est un kafir ou pas. À ce moment-là, ça c'est un autre sujet. ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا. Il est demandé que l'eau à partir duquel on lave le mort soit pure et licite. Donc il soit mubah, pur dans le sens où il n'a pas été altéré ni par son odeur, ni par sa couleur, ni par son goût. Et qu'il soit mubah. Donc ce n'est pas de l'eau qui aurait été volée mathalan. Ou de l'eau qui aurait été volée mathalan. Je ne vais pas rentrer dans les explications du Moubert parce que du Tahour, parce que sûrement Salim demain va le faire dans son sujet. Donc il faut laver ce mort, ce défunt, dans un endroit qui est caché. Dans un endroit qui est caché. Parce que le corps du défunt, il doit être respecté comme s'il était vivant. On respecte sa nudité comme s'il était salé face aux gens. Et il n'est pas demandé la présence de celui qui n'a pas donc lieu d'être dans cet endroit-là au moment du lavage du mort. Celui qui n'a pas de relation entre cela. Il n'est pas de la famille, mais sauf si maintenant, c'est une personne qui va apprendre. Il est possible que, c'est un pays musulman. Un pays musulman, il y a tout le temps des morts. Si on ne remarque pas ici, c'est parce qu'on n'est pas dans un pays musulman. Donc nous, de façon générale, vers chez nous, c'est-à-dire lorsqu'on est là où on habite, donc on entend une janaza tous les autant. Avec ceux qui ont bien vu en allant à Mecca, à Médine, il y a tout le temps des janazas. Donc il faut les laver, ces gens-là. Donc il y a des gens qui vont peut-être apprendre cela. Donc à ce moment-là, lui, il y a une halaqa entre le fait de pouvoir laver, mesela, ou la personne aussi qui avait l'habitude de laver les morts, commence à être vieille, veut apprendre à un jeune. Ou il a khili. Donc quelqu'un qui a une faïda pour que la personne puisse rester. Il y a une faïda pour que la personne puisse rester. Sifatul Rusli. Comment donc se fait le lavage? Comment se fait le lavage? Ses caractéristiques. Huwa ayyadahu ala sarir wa ghuslihi. Donc il faut le poser sur, c'est-à-dire le lit, à partir du ou bien le divan, c'est-à-dire le bon, c'est une table en général, cette table en fer. Après où on va laver le mort. On appelle ça sarir al ghusl. Thumma yasturu awratahu. Et puis il cache ses parties intimes. Il cache sa awra. ثم يجرده من ثيابه. Et puis le dénude, il lui enlève ses habits. ويواريه عن العيون يعني في حجرة أو نحوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc il va, donc le sadia il va l'éloigner de la vue des gens dans une pièce ou autre, donc dans un endroit qui sera bien sûr caché. ثم يرفع رأس الميت إلى قرب جلوسه. Puis il va lever, donc celui qui lave, il va lever la tête du mort, hein, comme si presque, comme si le mort était assis presque, comme s'il était en fin de compte dans une position, hein, comme maintenant la fin. On va le lever, bien sûr, ses pieds seront allongés, donc on va le lever un maximum. ثم يمرر يده على بطنه ويعصره. C'est-à-dire qu'il va, donc, il va masser, donc il va masser de sa main son ventre afin de ressortir ce qu'il y a. Enfin, s'il y a des choses qui vont ressortir par les orifices, ce qui est dans le ventre va ressortir. Donc il va justement, il y aura un yasur, c'est-à-dire qu'il va appuyer, hein, on sait qu'il va presser d'une façon, donc il va le presser, il va presser, donc il va masser de façon à être assez forte, entre guillemets, de façon assez. Donc il va masser de façon assez forte afin que ce qui a à sortir va sortir. Thumma yunazzifu al-makhrajain. Et puis après cela, il va nettoyer les deux orifices. Il va nettoyer les deux orifices. Fayaghsilu ma 'ala al-makhrajain min najasa. Donc il va nettoyer, c'est-à-dire les impuretés qui sont sorties de ces deux orifices. Wa dhalika bilaffin yani khirqa 'ala yadihi. Avec un chiffon ou un tissu ou un gant de toilette ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui va bien sûr, c'est-à-dire ça ne sera pas directement avec la main. Donc il y aurait peut-être des gants, il y aurait quelque chose. Thumma yanwi al-ghusl. Et puis, donc il va avoir l'intention de faire le ghusl, de faire ce grand lavage. Wa yusammi wa yuwaddihi qa'udu al-salat. Donc il va dire bismillah et il va lui faire faire l'ablution, donc il va l'ablutionner comme l'ablution que l'on connaît dans la prière. Illa fil madmada wal istinshaq, sauf dans donc le fait, donc le fait d'inhaler, hein, le fait de d'inhaler, ça vient par le nez ou bien par la bouche. Donc ça c'est parce que ça c'est ça demande une certaine force, c'est un acte de soi-même, c'est pas pas être fait par quelqu'un de l'extérieur. Fayakfi el mes al alfem wal ant. Il est permis juste donc de masser ou bien de passer sur le nez et sur la bouche. Thumma yaghsilu rasahu وَلِحْيَتَهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. Et puis il va laver donc son visage, sa tête et sa barbe avec de l'eau et du jujubier. أَوْ صَابُونَ. Ou avec du savon. أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. ثُمَّ يَغْسِلُ الْمَيَامِنَ ثُمَّ الْمَيَاسِرَ. مَيَاسِرَ ou la مَيَاسِرَ. مَيَاسِرَ. مَيَاسِرَ. C'est comme مَيَامِنَ quoi. Non. Ou الْمَيَاسِرَ. Donc et puis après il va laver la droite et puis la gauche. Donc il va laver la droite et puis la gauche. Thumma yukmilu ghusla baqi al-jasad al-jism afwan. Ghusla baqi al-jism. Et puis donc il va continuer, il va laver donc le reste du corps. Wa yastahibu an yalifa 'ala yadi khilqatin hal al-taghsil. Donc il est demandé, c'est recommandé d'avoir en fin de compte un chiffon qui est autour de soi ou bien un grand toilette, ma femme, d'être entouré, c'est-à-dire ton humain sera entouré d'un morceau de tissu, de grand toilette ou autre, lorsque tu laves le mort. Il est obligatoire de laver au moins une fois si maintenant il y a propreté après un seul lavage, un premier lavage. Et c'est une sunna, donc c'est mustahab. C'est mustahab de le faire trois fois, même si la personne avant les trois fois était déjà propre. Même si au bout de la deuxième fois, maintenant, elle était déjà propre. Et il est demandé aussi, toujours, il est recommandé, dans le dernier lavage, lorsque la personne va le laver trois fois, dans le dernier lavage, de mettre du kafour, hein, de mettre du camphre, de lui mettre du camphre. Thumma yanshifu al-mayt. Et puis il va sécher le mort, on va le sécher donc avec les serviettes. Wa yuzil anhu ma yushra'u izalatuhu fil azafir wa shuhur. Et il va lui enlever ce qui est demandé shar'an, donc dans la loi juridique, donc ce qui est légiféré d'enlever, comme les ongles, hein, c'est-à-dire les ongles et aussi les poils, donc ces poils qui sont dans les aisselles ou plus bas. Et si c'est la femme, donc à ce moment-là, elle va être tressée. Elle va être peignée, elle va être tressée. Si c'est une femme, donc elle va être tressée. ويصدر من ورائها. وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم بحرك أو نحوي فإنه ييمم بالتراب ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله بعد تغسيله. Donc s'il n'y a pas d'eau ou que la personne a été décomposée, donc elle a été son corps est pratiquement, on voit qu'il a été à cause du feu ou quoi que ce soit, donc on voit qu'il n'est pas permis, il n'est pas possible de le laver. En ce moment-là, on peut le faire sur le tayammum, par de la terre. On va le faire le tayammum. Donc ce rousoul va être changé, donc l'élément de remplacement qui sera le tayammum par le tourab. Lorsqu'on parle de tourab, on parle de tourab et tout ce qui vient après tourab. Sûrement, ça y en parlera peut-être demain encore. Et c'est une sunna, il est recommandé aussi que de se laver si on a lavé un mort. Si on lave un mort, il est bien de faire donc sa grande ablution, de faire son ablution majeure. C'est pas wajib, c'est pas une obligation, mais c'est sunna. Deuxième sujet. Mayatawalla al-ghusl. Donc à qui est demandé de faire le ghusl ou bien qui va faire cet acte? Al-afdal an yatawalla ghusl al-mayt man huwa a'raf yani bi sunnati al-ghusl min al-thiqat wal-umana wal-udul. Donc il est meilleur que celui qui va donc faire cet acte soit celui qui connaît le mieux donc la sunna du rousse, qui connaît le mieux comment laver le mort parmi des gens qui sont sûrs, donc des gens sûrs et aussi bien sûr justes. Voilà siyama idha kana min ahlihi wa aqaribihi, et surtout si il fait partie des proches, des gens de la famille. Li anna alladhina tawallu ruslahu sallallahu alayhi wa sallam kanu min ahlihi ka aliyin radhiyallahu anhu wa ghayrihi. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah et authentifié par l'Albani, rahmatullah alayhim. Donc, car ceux qui ont lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les gens de sa famille. Et Ali ibn Abi Talib, c'est son cousin, c'est de sa famille. Et autre que lui. Wa awla an-nas bi ghuslihi wa siyihi alladhi awsa an yaghsila. Et les premiers donc, qui ont justement, donc qui peuvent, ceux qui ont, ceux qui priment de laver le mort, sont justement ceux dont le mort a dit lavez-moi. Enfin, si le mort a donné comme recommandation que ce sera Zayd ou bien Amr ibn al-Nas qui vont le laver. À ce moment-là, on doit respecter ce qu'il a demandé, c'est le wasiya. Et le wasiya doit être respecté. Thumma abu, thumma jaddu. Et puis, après cela, donc, dans l'ordre, donc on a dit le wasiya, ou, donc vient après le wasiya le père, et puis le grand-père. Et le plus proche. Min asabatihi. Donc, maintenant, si c'était par rapport aux oncles, hein, paternels, il a khali, maintenant, aux oncles, le fils de l'oncle paternel, tout cela. Et après, ceux qui ont des liens de parenté par rapport au mariage. Hein, de liens de parenté par rapport au mariage. Wayajibu, ayatawalla rusla zakar rijal. Il est obligatoire que ce soit des hommes qui lavent un homme. Wal unsa an-nisa. Et la même chose pour les femmes. Wa yustathna min zalika az-zawjan fa innahu li kulli wahidin minhumā ghusl akhar. Donc il est bien sûr à ce moment-là, il y a une exception. L'exception, c'est par rapport au couple, vis-à-vis du couple. L'homme peut laver son épouse et la femme peut laver son mari. Li hadith Aisha radhiyallahu anha, law kuntu استقبلت من أمي ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير النساء. Il dit donc, elle dit Aïcha dans la Hana, c'est seulement afin qu'on se pouvait revenir en arrière, hein, de ce qu'il y a eu, c'est-à-dire par rapport à ce que c'est bien sûr, c'est le Qadar, ça a été passé. C'est-à-dire personne n'aurait lavé le prophète صلى الله عليه وسلم sauf ses femmes. Yani, hein, quoi? Yani, غير النساء, sauf ses femmes. Donc voilà, donc elle voulait bien sûr avoir la elle, cette récompense. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. C'est un hadith rapporté par Ibn Majah, il est authentique. Donc dit le prophète صلى الله عليه وسلم à Aïcha, si tu meurs avant moi, je te laverai et donc je te mettrai le linceul. Je t'habillerai de ce linceul. وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. Hadith rapporté par l'imam Malik fil Muwatta. Donc Asma bint Umays, elle avait son mari qui était Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Wala yakhsiru shahid al-ma'raka, ou wala yakhsaru shahid al-ma'raka. Donc le shahid, celui qui meurt martyr dans le combat, n'est pas lavé, il ne sera pas lavé. Li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amara bi qatla uhudin an yudfanu fi thiyabihim. Il a ordonné sallallahu alayhi wa sallam d'enterrer ceux qui sont morts dans la bataille d'Uhud avec leurs habits. Walam yursalu, ils n'ont pas été lavés. Walam yusalla alayhim, et on n'a pas prié sur eux. Il n'y a même pas de prière sur eux. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Wa kadhalika la yukaffan wa la yusalla alayhi. Bal yudfan bi thiyabihi kama fi al-hadith as-sabiq. Donc là on voit qu'on va même pas lui mettre ni de linceul, ni on priera sur lui, et on l'enterre comme il est, comme il est dans le même état. Wastiqtu. Wa huwa al-walad yasqutu min batni ummihi qabla at-tamamihi. Certes, c'est l'enfant, donc c'est le djanil, c'est l'enfant qui donc sort du ventre avant, bien sûr, la période qui est demandée, la période de 9 mois. مثلا, donc il y aura une sorte du ventre de la mère مثلا, à 3 mois, مثلا, à 4 mois, مثلا, à 3 mois, ou à 2 mois et demi. Avant, bien sûr, que Roh vienne. En ce moment-là, lui aussi, il n'aura pas besoin de faire, parce qu'il n'est pas tamam, il n'est pas complet. Donc, on va aussi, donc ça sera le même principe pour. C'est-à-dire, il n'y aura pas de prière sur lui, il a khali. S'il a 4 mois aussi. À partir de 4 mois, Janine, en ce moment-là, on va prier sur lui. Zakaran kana ou unsa, que ce soit un garçon ou une fille. Idha balagha arba tashhur ghusl. Si il a atteint les 4 mois dans le ventre de sa mère, on le lave. Wa kuffina. Et on lui met aussi ce linceul, on l'habille de ce linceul. Wa sulliya alayhi. Et on prie sur lui. Li annahu ba'da arba'ati ashhur yakunu insanan. Car après 4 mois, il devient une personne. Il devient donc une personne à part entière. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres ahkam par rapport à Zakat al-Fitr et la Fili de l'enfant qui est dans le ventre de la mère. Troisième sujet, Hukmu takfinihi wa kayfiyatuhu. Donc le statut religieux du kafan. Donc de comment on va le mettre sur le linceul et comment. Donc le linceul ainsi que comment on fait. Wa takfinuhu wajibu ni qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fil muhrim alladhi wa qasathu. راحلته وكفانه في ثوبين. حديث rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc c'est une obligation car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vis-à-vis donc de celui qui est en état de sacralisation lorsque donc il est tombé de sa monture. Donc habillez-le du linceul avec deux habits. Donc mettez-lui, c'est-à-dire deux habits ou deux morceaux de tissu. Habillez-le de deux morceaux de tissu. Je vais éteindre le portable parce que. Wa al-wajibu sitru jami' al-badan. Il est obligatoire de cacher tout le corps, de recouvrir tout le corps. Fa in lam yujad illa thawb qasir, la yukaf, yani la yakfi li jami' al-badan. Et si il n'y a qu'un seul habit, مثلا, qu'un seul morceau de tissu, ou ce morceau de tissu n'est pas assez grand, donc ne pourra pas recouvrir tout ce corps, et qu'il n'est pas possible donc, de recouvrir tout ce corps, on va cacher le visage. On va recouvrir le visage. L'ishar, c'est des feuilles, c'est des feuilles d'arbre, d'un arbre bien spécifique. Hein? Donc on va mettre derrière ses pieds donc, c'est-à-dire donc des feuilles. Donc là on voit qu'il y a un mot spécifique, sûrement c'est d'un arbre spécifique, mais peut-être il est permis de mettre par rapport à ça ce qu'on trouvera comme comme feuille mafan. Afin de. La luseur. La lune. Luseur. La luseur. C'est une herbe. T'as l'air fin. C'est quoi la luseur? Luseur. Luseur, c'est quoi? L'herbe en vache. Il faut habiter dans les campagnes pour savoir tout ça. Ça, c'est de l'herbe à vache, alhamdoulilah. Voilà, c'est la fake. Non, mais c'est la première fois que j'entends ce mot-là. Alhamdoulilah. Donc, la luzerne, donc voilà, comme il a dit, par exemple, de l'herbe à vache. Exactement, frère. L'iqawli khabbab, fi qissati takfin, Mus'ab ibn Umar, radiallahu anhu, fa amarana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an yughatti ra'sahu وأن نجعل على رجله من الإسخاط من الإسخاط. Donc il dit, donc Khabbab a dit dans l'histoire de Mus'ab ibn Umar, celui qui a été tué en bataille, hein, on sait que Mus'ab ibn Umar a été tué lorsqu'on lui a détourné l'étendard, donc c'est, on a coupé une main, c'est-à-dire un bras, puis après un bras, jusqu'à ce qu'il reçut, jusqu'à ce qu'il mourut. Tout en sachant que Mus'ab ibn Umar, c'est le premier, comme on appelle, c'est le premier ministre de l'islam, ou bien c'est le premier ambassadeur de l'islam, parce que c'est le premier qui est parti à Médine faire da'wah, parce qu'il est de Médine à l'origine. Donc il est parti, c'est le premier qui est parti à Médine faire da'wah pour les gens de Ansar. C'est le premier qui est parti là-bas. Donc c'est parmi les compagnons importants, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, lorsque il est mort au Mus'ab ibn Umar, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de cacher, de recouvrir son visage et de passer ou de poser sur ses pieds, donc l'isra, c'est-à-dire cette luzerne, la luzerne, de la luzerne. Voilà, yurabta yani ras al-muhrim li zikri al-zakar afwan. Voilà, yurabta ras al-muhrim al-zakar. Donc on ne va pas recouvrir le visage de celui qui est en état de sacralisation s'il est masculin. Le visage donc d'un homme qui est en état de sacralisation. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wala tahmilu rasahu. Il ne recouvrait pas son visage. Il ne recouvrait pas son visage. وَيَكُونُ ذَلِكَ بِثَوْبٍ لَا يَصِفُ الْبَشَرَ سَاتِرًا. Donc on va, donc il aura donc un habit, hein, qui ne va pas, donc qui va pas quoi dessiner, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas dessiner le bashara, c'est-à-dire le corps, qui ne va pas dessiner le corps. وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَلْبُوسٍ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَشْحَفُ عَلَى الْمَيْتِ وَلَا عَلَى وَرَثَتِهِ. Donc il faut que, c'est-à-dire que cet habit soit de ce qui est habituel, hein, de ce qui est justement habituel. Afin de ne pas quoi? De ne pas justement, parce qu'il ne faut pas que ce soit, maintenant on ne va pas le recouvrir maintenant d'un linceul qui serait, maintenant si c'était on va dire, quelque chose qui est trop cher, imaginez-vous un velours très cher ou quelque chose comme ça, un tissu qui serait trop cher. Parce que, qu'est-ce qui vient après? Lorsque la personne meurt, la première chose qu'il y a à faire, c'est de compter, c'est-à-dire d'abord de payer ses dettes, de mettre ainsi à des ouvriers, de donner, donc de payer aussi les ouvriers, et après, de quoi? De partager, donc l'héritage, de partager l'héritage. Et ça, c'est après le tekfin. Et si tu exagères dans le linceul, si tu exagères donc dans le fait de l'habiller dans le cercueil ou bien dans le corps, dans tout cela, si tu dépenses beaucoup d'argent, tu as pris en réalité de l'argent de tous les héritiers. C'est un droit qui a été pris de tous les héritiers. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas demandé de faire cela. C'est-à-dire de dépenser comme cela. En plus, son dépensement comme cela, après, pour un mort. Wa sunna takfin rijl. C'est cela, ça, la fa'if, bayd min al-qutun. La sunna, c'est donc de placer, donc de, c'est-à-dire d'habiller ce mort, de le recouvrir de son linceul en trois morceaux. Cela, ça, la fa'if, bayd min al-qutun. Blanc en coton. Blanc en coton. Coton. On voit qu'il y a des gens qui cherchent après le vert. Le vert, la couleur d'islam, le vert ceci, le vert cela. Ils sont après le vert. On arrive à Médine, on cherche après tout ce qui est tekfin vert. C'est devenu, il faut que ça vienne de Médine, il faut que ce soit vert. Donc voilà un petit peu l'esprit des gens. C'est l'esprit des gens, en vérité, qui a un héritage de soufi. Qui a un héritage, c'est un héritage en vérité soufi. Tape sur toi à la bardia. Donc elles vont. Hein? Donc elles vont se croiser, elles vont se toucher l'une sur l'autre, c'est-à-dire elles ne vont pas être, c'est-à-dire comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait entre deux, donc c'est-à-dire, il ne faut pas qu'elles soient loin ou éloignées, hein, les unes des autres. Elles vont être l'une sur l'autre, c'est-à-dire il y aura toujours, elle va, une lune va, c'est-à-dire toucher l'autre. Wadu da'u aleha mustalfian, thumma yaruddu tarfin al-ulya min al-janib al-aysar ala shiqqat al-ayman, thumma tarafuha al-ayman ala al-aysar. Donc là, donc ça va être bien sûr, ça va tourner, hein, et on va commencer donc par le parti haute du côté gauche qui va partir vers le côté droit. Donc ça va partir, donc il y a une façon. Donc ça part donc du côté haut, donc ça sera en hauteur, donc ça sera ce qui est en hauteur du côté gauche vers le côté droit, et ainsi de suite, et après vers le droit au gauche. Enfin, quand tu auras une façon de tourner. Puis deux fois, puis trois fois. Thumma thaniya, thumma thalitha. Et puis, ce qui va rester, le surplus de ce qui va rester, donc va arriver, en fin de compte, vers le visage. Il va arriver donc au visage, et à ce moment-là, on va faire un nœud. Lorsqu'on va arriver ici au visage, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y aura ? Ce sera noué. Il y aura un nœud. فَلَوْ كَانَ الزَّائِدْ أَقْصَرْ جُعْلَ عِنْدَ قَدَمَيْهِ. Et s'il y en a plus, donc on va aussi en mettre, c'est-à-dire vis-à-vis des pieds, par rapport aux pieds. كَذَلِكَ يَعْقِدُ. Donc on va aussi, encore une fois, faire le nœud. فَإِنَّ ذَلِكَ أَثْبَتْ الْكَفَنِ. Car cela va être, ça sera plus résistant pour ce linceul. Le linceul ne va pas être, il ne va pas s'enlever facilement. Il va mieux tenir le corps. لِقَوْلِهِ عَيْشَ كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية السحول في الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من القطن. Donc elle dit Aïcha, en parlant du prophète صلى الله عليه وسلم, elle dit le prophète صلى الله عليه وسلم donc a été habillé dans trois linceuls, en trois morceaux de tissu pour son linceul blanc, avec bien sûr un noc blanc en coton propre en coton. Un conflit qui est indigne. Et donc il dit Souhulia Joudoud Yamania. Donc c'était du tissu propre, pur qui venait du Yémen, du coton donc du Yémen. Les Safiha Kamis Wala Amama. Donc il n'y avait pas de Kamis, un fob, donc le Kamis, ni Al-Amama. Adraja Fiha Idrajan. Adraja Fiha Idrajan. C'est ce qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim. C'est-à-dire qu'il est venu donc bien sûr en étape. Donc il a été habillé en étape. Wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ilbisu min thiyabikum al-bayad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, habillez-vous de vos habits blancs. Fa innaha min khayri thiyabikum. Hein, min khayri thiyabikum. Il dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elles sont de vos meilleurs habits. Elles font partie, le blanc fait partie des meilleurs habits. وكفنوا فيها موتاكم. Et habillez vos morts donc de ce linceul blanc, de cet habit blanc. والأنثى خمسة أثواب. Et pour la femme, donc elle sera habillée en cinq morceaux de tissu. من قطن إزار وخمار. Donc il y aura l'إزار, hein, le pan et le خمار, donc ce qui va recouvrir le haut. وقميص وليفافتين. Et un قميص, donc ce qui va recouvrir le haut, et deux morceaux de tissu. وَالصَّبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. Et un enfant avec un seul tissu. وَيُبَحُ فِي ثَلَاثَةٍ. Et il est permis de le faire aussi sur trois, avec trois habits. Donc c'est permis, c'est mubah, c'est licite. وَالصَّغِيرَةُ فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ. Et donc la petite fille, la fille, ça sera ce qu'ils appellent le qamis, donc, et deux morceaux de tissu. Deux morceaux de tissu. الْمَسْأَلَ الرَّابِعَةُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ حُكْمُهَا وَالدَّلِيلُ ذَلِكَ. Donc sujet numéro 4, la prière sur le mort, son statut et les preuves de ce sujet. As-salatu 'ala al-mayyit fardun kifaya. Fa idha fa'ala al-ba'd saqata al-mithl 'an al-baqin. Donc il dit donc la prière sur le mort, c'est fard kifaya. Et on expliquait auparavant qu'est-ce que le fard kifaya. Si certains le font, donc le péché ne sera pas donc ne va pas tomber sur les autres. Wa daliluha قوله صلى الله عليه وسلم في من مات وعليه الدين. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a mentionné celui qui est mort et qu'il avait des dettes. صلوا على صاحبكم. Priez sur votre ami. Hadith rapporté par l'imam muslim. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم موت النجاشي إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. Hadith rapporté aussi par l'imam muslim. Certes, votre frère vient de mourir. Levez-vous et priez sur lui. Levez-vous et priez sur lui. Donc ça fait un délit. C'est par rapport au délit comme quoi que c'est légiféré. Maintenant on va parler des shurut, des conditions, ainsi que ses piliers et ses sunna. Ses conditions, ses piliers et ses sunna. Donc shurut, donc il y a premièrement niya, l'intention. Deuxièmement taklif, donc celui qui est balir, hein, celui qui est aqil, celui qui est mukallaf, donc parce qu'il est les balir et les muaqil et l'akhir. Et d'autres encore. Troisièmement, istiqbal al-qibla. Quatrièmement, sitr al-awra. Caché, donc, istiqbal al-qibla, le fait de faire face à la qibla. le fait de cacher les parties intimes. Cinquièmement, ijtinab an-najasa, donc s'éloigner ou bien s'écarter de l'impureté, les annaha min as-salawat, car c'est, elle fait partie des prières. Elle fait partie des prières. Wa hudur al-mayyit bayna yaday al-musalli idha kana bil balad. Il faut que le mort soit là si le mort est dans la contrée ou dans la région ou bien dans le pays. Wa islam al-musalli wa al-musalla alayhi. Donc bien sûr, celui qui va prier et celui sur qui on va prier sont musulmans. Donc le mort est musulman et ceux qui vont prier sur lui sont musulmans. Taharatuhuma wa law bit turab li uzrin. Que ce mort soit purifié, donc pur, ainsi que toi-même, ainsi que celui qui prie, parce que c'est le même hukm, c'est le même statut religieux que la prière, même si c'est avec de la terre, s'il y a une excuse. Arkanuha, donc on a vu les conditions. Arkanuha, ses piliers. Arkanuha kal-ati. Al-qiyamu min qadirin fi fardiha. Li'annaha salat wajib al-qiyam fiha yani kal-mafruda. Donc, le fait d'être debout, le fait d'être stationnaire pour celui qui en a les capacités, celui qui est capable de se lever. Car c'est une prière, il est obligatoire de se lever dans la prière comme celle qui est donc obligatoire, les prières prescrites. Et takbirat al-arba, les quatre takbir. Donc on va retrouver quatre fois Allahu Akbar. Les anna nabi sallallahu alayhi wa sallam kabbara ala najashi arba'an. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcer quatre fois le takbir pour An-Najashi rahmoullah lorsqu'il est mort. Wa qira'atu al-Fatiha li'umum al-hadith. Ou li'umum al-hadith, yani la salat liman lam yaqra bi umm al-Qur'an. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Le fait de lire al-Fatiha, donc il y a un hadith qui est général vis-à-vis de cela. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc pas de prière pour celui qui ne lit pas la mère du Coran, c'est-à-dire al-Fatiha. Si tu ne lis pas al-Fatiha, ta prière n'est pas acceptée. Donc dans Salat al-Janaza, c'est le même principe que dans toutes les autres prières. Wa salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est dans la deuxième takbir. Dans le deuxième takbir. Wa du'a lil-mayyit liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam idha sallaytum ala al-mayyit fakhlisu lahu du'a. Hadith rapporté par Abu Daoud et il est hassan. Donc on va dire Allahumma salli ala Muhammad, donc salat al nabi qui est connu, et dans le troisième takbir, donc il y aura une dua pour le mort. Wassalam li umum hadith wa tahliluha al taslim. Donc il faut qu'il y ait un taslim, car le hadith qui est venu par rapport à la prière, il est général. Il est général. Wa tartib bain al arkan fala yuqaddim ni ruknan ala al akhar. Donc de respecter aussi l'ordre. L'ordre, c'est comme dans la prière, elle doit être respectée. On ne va pas faire prévaloir un ordre qui devrait être normalement après celui qui était auparavant. Sunanuha, c'est sunna. Domin sunaniha raful yaden ma'akuli takbira. Le fait de lever donc les deux mains avec tout takbir. On n'entre pas dans un khilaf, juste pour respecter en vérité l'ordre du livre tout simplement. On n'entre pas dans les détails directement. Donc le fait de lever la main dans chaque takbira. Wal-isti'aza qabla al-qira'a. Donc le fait de dire A'udhu billahi minash shaitani rajim avant la lecture. Wa an yad'u li nafsihi wa lil muslimin. Et qu'il invoque pour lui-même et pour les croyants. Wal-israr bil-qira'a. Le fait de réciter cette fatiha à voix basse. Le fait de la réciter à voix basse. Il est permis de la réciter à voix haute si on se rend compte qu'il y a des nouveaux ou qu'il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment. Qu'ils sachent qu'ils ne savent pas vraiment comment il faut faire, il est permis de rester suffisamment, on va dire, donc c'est suffisamment fort afin que les autres puissent entendre et pour savoir, pour pouvoir suivre, pour pouvoir faire la même chose. Sujet numéro 6, waqtus salati ala al-mayyit wa fadluha wa kayfiyatuha. Le moment de la prière sur le mort, ses vertus, donc ses bienfaits, et c'est comment, sur comment, donc sa définition, comment on va prier sur le mort. Waqtus salati ala al-mayyit. Yabda'u ba'da taghsilihi. Le moment de la prière du mort commence à partir du moment où il a été lavé. Donc il commence après son lavage. Wa takfinuhu wa tajhizuhu in kana hadiran. Donc le fait aussi, bien sûr, de l'avoir lavé, de l'avoir habillé, en mettant sur l'habiller du linceul, de le préparer s'il est présent. Aw bulugh khabar ni wafatihi in kana ghaiban. ou bien si le fait qu'on a su qu'il était, donc qu'il est mort, si bien sûr il est absent. Si il est absent. Fadluha, ses vertus, ses bienfaits. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man shahida al-janaza hatta yusalla alayha falahu qirat. Celui, wa alaykum salam, celui qui est témoin donc d'une janaza, jusqu'à ce qu'il prie sur ce mort, hein, sur ce défunt, il aura en récompense qirat. La qirat, c'est bien sûr donc une montagne. Qirat, lorsqu'on parle d'une montagne, on parle d'une grande montagne. Uhud ou autre. Des fois on trouve Uhud, des fois on trouve Tuhama, même ce sont vraiment des grandes montagnes. Voyez un petit peu la récompense. C'est comme si tu avais donné l'équivalent de cette montagne en or. Il n'est pas possible qu'on retrouve quelqu'un qui aura autant d'or que, c'est-à-dire le poids réel de cette montagne, si tu voulais faire une comparaison réelle. Si tu fais une comparaison réelle entre toute l'or, hein, l'or que tu pourrais posséder, l'or que même le plus riche du monde pourrait posséder, il ne pourrait pas arriver même à une petite partie de cette montagne. Parce que c'est des millions et des millions de tonnes. Ça là là. C'est tellement grand, c'est tellement énorme. On se montrait, c'est prendre le H comment elle est, la récompense comment elle est. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى يعني, toute femme فَلَهُ قِرَاتًا. Et celui qui va en être témoin jusqu'à ce que ce corps, ce mort soit enterré, il aura récompense donc deux qirat. قِيلَ وَمَنْ قِرَاتًا. On lui questionna, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce que les deux qirat? قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. C'est comme deux montagnes illustres, énormes, c'est comme deux grandes montagnes. C'est comme deux grandes montagnes, ou bien deux énormes montagnes. Le hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, et Tirmidhi a dit qu'il est que ce hadith Hassan, et il a été authentifié par l'Albani, Rahmatullah alayhi. Comment on prie sur le mort? Yaqumul imam wal munfarid inda ra'si rajul. Donc l'imam, ou si la personne donc était seule, va, donc, l'imam va être placé. Au niveau, donc les sabout de Zalika min fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam fima rawahu anhu Anas radiallahu anhu, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans le hadith rapporté par Anas radiallahu anhu, qui est rapporté par Abu Daoud Tirmidhi. Non, mais je l'avais dit auparavant, on a déjà cité ce hadith. Thumma yukabbiru l'ihram, puis donc il dit Allah Akbar, ce qui est takbirat l'ihram, c'est à dire l'entrée en matière, en sacralisation. ويتعوذ بعد التكبير في en disant أعوذ بالله ثم يسمى أو يسمي في il dit يسمي c'est-à-dire il dit بسم الله ثم يقرأ الفاتحة سرا et il va réciter الفاتحة donc à voix basse ولو كان ذلك بالليل même si c'est la nuit donc sa voix basse quelle que soit l'heure de cette prière ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد. Donc il va dire Allah Akbar et il va prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la même façon qu'il fait donc son tashahoud, lorsqu'il prononce le tashahoud, surtout le tashahoud al-awwal. ثم يكبر et puis il dit Allah Akbar ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il va invoquer pour le mort, donc en prononçant une invocation qui a été bien sûr prouvé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa minhu qalahu sallallahu alayhi wa sallam, donc voici la dua: Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman. Ça c'est hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Al-Hakim, et il est Hassan Sahih. Là on voit que donc, cette partie de doa, c'est surtout lorsque il y a des enfants. Donc on voit des fois on retrouve des enfants, on ne va pas automatiquement retrouver, on va retrouver, c'est-à-dire trois en vérité de doa qui sont différentes. Et dans une autre doa, il dit sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'krib nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'ghsilhu bilma' wa'thalj wa'albarad ونقيه من الذنوب كما والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعذه من عذاب القبر أو عذاب النار. حديث rapporté par le même مسلم. وإن كان الميت صغيرا et si l'enfant, donc le mort c'est un enfant, اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرة وأجرا. Donc on rajoute cela, si c'est un enfant. اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرة وأجرا. ثم يكبر ويقف بعدها قليلا. Donc il va dire Allah Akbar et il va donc stationner un peu. وإن دعا بما تيسر فحسن كأن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. حديث rapporté par l'imam Malik fil Muwatta, Abdul Razak fil Musannaf, et il est sahih à la Shart al-Muslim, à la Shart al-Muslim, même Muslim. Donc il est permis de dire ça aussi à la fin. Donc à la quatrième, il n'y a rien. Donc à la quatrième, après le quatrième tekbir, donc il peut très bien rien dire. Ou s'il veut, il peut dire dans cette doigt. Allahumma la tahrimna ajrahu. Wa la taftinna ba'dahu. Thumma yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi. Et puis, il va donc saluer une seule fois vers sa droite. Il n'y aura pas deux saluts. Les gens qui ne nous connaissent pas, on les voit tout le temps faire deux saluts. Le fait qu'ils font un prière directement avec la prière, c'est une analogie d'eux-mêmes, hein, avec la prière. Parce que, aussi, parce que les imams n'enseignent pas aux gens comment on prie sur le mort. N'enseignent pas aux gens comment on prie sur le mort. Oui, salama taslimatain falab sabi. Et si on prie deux taslim, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. ومن فاته بعد الصلاة يدخل مع الإمام. Donc celui qui vient de rentrer dans cette prière, il entre avec l'imam. وإذا سلم قضى ما فاته على صفته. C'est le même principe qu'en vérité que la prière qui est normale. Si il a maintenant, il est entré dans la troisième, dans le troisième teslim, le troisième tekbir, je veux dire, il va continuer seul. L'imam aura fait teslim. Il termine et il va donc saluer seul. Naam. Donc il fait l'itmam, il y a le qada, yani. Donc seul. Il va faire l'itmam ou bien le qada, après c'est la même chose, seul. Et là on voit bien qu'il est permis de faire taslimatain. Lorsqu'on dit que les gens font taslimatain automatiquement, parce qu'ils font un prière directement. Et même si tu fais taslimatain et que tu n'as pas recherché comment il fallait le faire, c'est pas parce que tu as raison que c'est-à-dire que tu seras dans les hasanat. Tu peux avoir le péché, si tu le commets, si tu fais une œuvre et que tu n'as pas cherché à savoir si tu avais raison dans cette œuvre-là, tu ne seras pas considéré comme celui qui a recherché et celui qui a fait. Donc tu peux, parce que tu l'as fait comme ça, sans vérifier, mais alhamdoulilah, tu as eu raison, tu n'auras pas justement les hasanat, parce que justement, tu l'as fait de toi-même. Donc il faut d'abord rechercher avant de quoi, avant de pouvoir savoir. Parce que ça, c'est permis pour qui? C'est permis pour l'alim, lorsqu'il fait l'ijtihad. Maintenant, qui réussit, lui, il aura de récompense. S'il fait l'ijtihad qui se trompe, il aura une récompense. Tandis que le jahil, s'il fait l'ijtihad, et qu'il réussit, il aura un seul péché. Et s'il fait l'ijtihad et qu'il a raté, il aura deux péchés. Vous voyez, c'est le contraire. Vous voyez, c'est le contraire par rapport au mujtahid et par rapport à l'ignorant. Donc l'ignorant, il ne va pas dire, alhamdoulilah, c'est bon, j'ai eu bon. Là, s'il a œuvré alors qu'il ne savait pas que cette œuvre-là existait, alhamdoulilah, on va dire que c'était en conforme, alors que c'était conforme avec la sunna du prophète, sachez qu'il n'aura pas la récompense. Parce qu'il l'a fait par ignorance. Parce qu'il a fait par ignorance. C'est pas comme si c'était un savant. C'est pas comme si c'était un savant. Le savant, parce qu'il lui permet à lui de faire l'ijtihad, mais pas celui qui n'a pas étudié. C'est pas à celui qui n'a pas justement de science. وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ قَبْلَ الدَّفْنِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ. نعم. Donc il est permis de prier, mais si on n'a pas pu prier sur le mort, hein, avec les gens dans la mosquée, lorsqu'on arrive au cimetière, on peut prier sur lui. Donc, ça, c'est pas, donc il est permis ce type de prière, et est permis, même si c'est au cimetière, même si c'est dans le cimetière, il est permis de faire cela. لِفِعْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ذَلِكَ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعُمُّ الْمَسْجِدِ. Donc c'est pour l'histoire, parce qu'il y a une histoire de la dame qui nettoyait, hein, justement donc cette mosquée. ويصلي على الغائب عن البلد عند العلم. Et on peut prier donc sur le mort qui est absent si on a donc connaissance de sa mort. عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر. Même si c'est après un mois ou autre. ويصلي على الشخص إذا تم له أربعة أشهر فأكثر. يعني أربعة أشهر فأكثر. وإن كان أقل من ذلك فليصلى عليه. Donc il est permis de prier même si la personne aurait donc était morte X temps après, il y a une histoire comme ça que Cheikh Ibn Baz, donc par rapport à un imam d'une mosquée de Riyad. Donc Cheikh Ibn Baz était en voyage, donc le mort, cet imam-là a été enterré. Ou plutôt cette personne, parce que c'est plutôt, c'est pas l'imam, mais c'est une personne de la mosquée qui est enterrée, mais c'est l'imam qui l'avait prévenu. Et le Shir est parti, alors que les gens avaient déjà prié sur lui, il est quand même parti au cimetière et a quand même prié sur lui. Rahmatullah alayhi. Et si le djanin, donc l'enfant qui a 4 mois, qui a eu 4 mois, donc révolu dans le ventre de sa mère, on prie sur lui. S'il est en dessous de 4 mois, on ne prie pas sur lui. À ce moment, il n'y a pas besoin de prier sur lui parce que le corps, l'âme n'est pas venue, il n'a pas été complété. Donc c'est pas un corps, c'est pas considéré comme un corps, ce n'est à part entière. On terminera, Inch'Allah, les autres sujets toujours par rapport à l'janaza demain. Bismillah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.